Chapitre 3. Un an après, tout était bien changé au château d'Epstein comme dans le monde. Albine tremblait devant Maximilien et l'Europe tremblait devant la France. La révolution n'avait pas éclaté encore dans sa fureur. Le roi n'était pas mort, mais déjà il était prisonnier. Les grondements de la foudre annonçaient quel serait l'orage, et, comme la mer qui monte en battant ses rives, la France débordait déjà sur les provinces rhénanes en attendant qu'elle inondât le continent. Custine avait pris Mayence et menaçait Francfort. Au château d'Epstein, l'humeur turbulente et farouche de Maximilien, bien qu'elle ne l'eût pas encore entraîné à ses écarts d'autrefois, s'était fait jour pourtant, et Albine avait vu mourir une à une toutes ses chimères. Le noble et poétique chevalier qu'elle avait rêvé lui apparut bientôt ce qu'il était en réalité, c'est-à-dire un ambitieux vulgaire et un vulgaire libertin, pour qui un mariage n'était qu'un marchepied et sa femme un plaisir. Albine avait souffert profondément d'abord, puis s'était résignée, et laissait maintenant sans murmure, foulée par ce pied brutal, toutes les délicates fleurs de son âme. Elle n'eut guère de temps, d'ailleurs, pour l'ennui ou pour les regrets. Les événements politiques marchèrent plus vite que sa pensée. Mayence prise, les rives du Main furent militairement occupées et les vieilles bandes impériales battirent en retraite devant les jeunes troupes de la liberté. Francfort ne pouvait plus tenir que quelques jours. Le comte d'Epstein, dont le château était si voisin du théâtre de la guerre, eût été un prisonnier d'importance et se croyait plus important encore qu'il ne l'était réellement. Au reste, on le rappelait à Vienne. Il se voyait donc obligé de quitter le pays, en attendant que la tourmente passât. Essayer de tenir dans son château était chose impossible, et la bravoure, dans cette circonstance désespérée, n'eût été qu'une imprudente folie. Mais déjà Maximilien avait beaucoup tardé. Des reconnaissances françaises coupaient la route de Vienne. Déjà son évasion était devenue chanceuse, et son chemin semé de périls de toutes sortes. La présence d'Albine n'aurait pu que doubler les dangers de sa fuite. Maximilien résolut donc de laisser sa femme au château. Albine fit tout ce qu'elle put pour que son mari consentît à l'emmener. Enfin, la veille de son départ, elle le conjura par ce qu'il avait de plus sacré de ne pas la laisser seule. Malheureusement, les résolutions prises par Maximilien étaient irrévocables. Il fut insensible aux larmes, sourd aux prières. Sa femme le conjura vainement. « Qu'avez-vous à craindre ? » lui dit-il. « Et que signifient ces puériles terreurs ? Réunis, nous nous perdons l'un et l'autre. Séparés, nous nous sauvons tous deux. Vous le savez, cette nuit, je m'échapperai avec Daniel sous des habits de paysan. Et le jour venu, si nous sommes rencontrés, nous ne parviendrons pas aisément, certes, à détourner les soupçons. Que serait-ce donc si vous étiez avec nous ? Une fois que je serai hors d'atteinte, que peut-on contre vous ? Fait-on les femmes prisonnières ? Non. Les Français ne manquent même pas de générosité. Faites-vous respecter et ils vous respecteront. Au reste, toute discussion est inutile, car nous n'avons pas le choix. Si ma vie n'appartenait qu'à moi, j'en ferais à coup sûr meilleur marché. Mais je ne la crois pas sans utilité à mon pays. Allons, du courage, Albine, et songez que je vous confie ce que j'ai de plus précieux au monde. Mon fils et mon honneur. Demain, Albine, vous allez être seule et veuve. Mais, ajouta-t-il d'un ton presque tendre et embrassant la pauvre désolée, Oublions demain, puisqu'aujourd'hui nous reste encore. » Albine, comme toujours, se soumit obéissant au maître. Le lendemain, Maximilien partit. 3 jours après, Albine reçut une lettre annonçant qu'il était en sûreté. Mais pendant ces 3 jours, s'était déjà passé au château d'Epstein un événement qui devait exercer une terrible influence sur la vie de la malheureuse Albine. Avant de marcher sur Francfort, Custine, de peur de surprise, avait voulu faire explorer tous les environs de la ville. 2 compagnies furent chargées de fouiller les défilés du Taunus. La précaution était bonne. Une embuscade préparée dans ces montagnes boisées fut découverte par les Français, non loin du château d'Epstein. Dans l'engagement qui s'ensuivit, les nôtres furent contraints par le nombre de se replier sur le corps d'armée. Mais la ruse de l'ennemi était découverte et l'on pouvait, sans crainte d'être pris entre 2 feux, marcher sur Francfort, qu'on emporta au reste le lendemain. Seulement, dans leur escarmouche hardie, les 2 compagnies eurent à regretter bon nombre de soldats et quelques-uns de leurs plus braves officiers. Au nombre de ceux-ci était un jeune capitaine, connu seulement sous le nom du capitaine Jacques, et remarquable en ce que, lors du passage du Rhin, c'est-à-dire au moment où l'on avait mis le pied en Allemagne, il avait jeté son épée dans le fleuve et portait au côté son fourreau vide. Quoique dépourvu de cette arme défensive, qui au reste, chez les officiers d'infanterie, est plutôt une marque de leur grade qu'une défense réelle, le jeune capitaine avait, par son courage, son sang-froid et sa connaissance des localités, rendu de grands services. C'était lui qui avait marché droit à l'embuscade, mais il avait reçu le prix de sa témérité au premier coup de feu dont les troupes impériales avaient salué les troupes républicaines. Il était tombé, frappé d'une balle au front, et avait été laissé pour mort sur le champ de bataille, non seulement par les siens, mais encore par l'ennemi. Ce fut seulement vers le soir qu'un des nouveaux domestiques du château d'Epstein, à la mort du comte son père, Maximilien avait, sauf Daniel, le vieil intendant, et Jonatas, le vieux garde, renouvelé toute la maison, entendit des plaintes en revenant de Falkenstein, et trouva le capitaine Jacques qui respirait encore. Aidé de 2 paysans qu'il appela, il transporta aussitôt le blessé au château d'Epstein, où Albine ordonna que la plus prévenante hospitalité lui fût accordée. Le chapelain était expert en chirurgie. Il visita la blessure du jeune officier, posa un premier appareil et dès le lendemain crut pouvoir répondre de sa vie. Albine s'était inquiétée du blessé avec beaucoup d'empressement, d'abord parce qu'elle était femme et que la douleur la touchait, ensuite parce que la présence du capitaine était pour elle une sauvegarde contre les maraudeurs de l'armée française. Et les vainqueurs, il faut bien le dire, n'usaient pas de leur triomphe avec toute la modération qu'avait promise à sa femme le facile égoïsme de Maximilien. Quand les pillards se présentèrent devant la porte du château, Jacques averti se leva, et, malgré toutes les représentations du chapelain et d'Albine, se traînant jusqu'à eux, tout pâle de sa blessure, il sut élever la voix à propos pour préserver de tout péril le château et la châtelaine. Dès lors, la reconnaissance autant que la pitié engagea la jeune comtesse à redoubler d'égards et de soins pour celui qui lui avait sauvé la vie, et peut-être plus que la vie. Le capitaine Jacques était d'ailleurs le cœur le plus généreux, le plus ardent, le plus sympathique enfin à la nature tendre et enthousiaste d'Albine. La seule chose qu'on pût lui reprocher, c'était une teinte de mélancolie presque continuelle et quelque chose d'un peu trop efféminé pour un militaire. Mais la tristesse allait bien à son pâle visage, et on le savait brave comme un lion. On l'avait vu si calme et presque si insouciant au milieu des boulets et des balles, que ses soldats avaient pour cette nature, si faible en apparence et si forte en réalité, une admiration qui ressemblait à du respect. D'un autre côté, le capitaine Jacques était fort aimé dans le corps des officiers à cause de sa grande et obligeante instruction, ce qui lui faisait pardonner quelques idées d'une philosophie un peu excentrique, ce qui faisait aussi que ses compagnons d'armes ne pouvaient pas toujours suivre son imagination dans les pays imaginaires que la poétique insensée parcourait. Tandis que les soldats appelaient leur capitaine Jacques le Brave, ses collègues l'appelaient Jacques le Rêveur. Il était évident, en effet, que Jacques se battait pour une idée et non pour autre chose, et que la querelle particulière des souverains disparaissait entièrement pour lui devant la question générale des peuples. On doit comprendre comment un pareil caractère était en harmonie avec celui d'Albine. Jacques était bien l'homme de ses songes, brave, loyal et hardi comme Goetz de Berlichingen, beau et poétique comme Max Piccolomini. Aussi, au grand étonnement du chapelain qui connaissait la réserve d'Albine, une familiarité visible s'établit-elle bientôt entre le jeune officier et la comtesse. Au bout de quelques jours, le capitaine appelait la jeune femme Albine et la jeune femme appelait l'officier Jacques. D'ailleurs, comme Jacques paraissait désirer ne pas être vu des gens des environs du château, il ne sortait presque jamais des appartements où Albine lui tenait compagnie. Les serviteurs du château pouvaient entrer à toute heure au salon où se tenaient les jeunes gens. Ils les trouvaient toujours riants et causants. La parfaite innocence de leurs pensées était leur sauvegarde. On eût dit que ces deux âmes si blanches, si pareilles, si sœurs, s'étaient connues dans un monde meilleur et se retrouvaient dans celui-ci. De longues heures s'écoulaient donc dans des causeries pleines de charme, sans qu'Albine et Jacques s'aperçussent de la fuite du temps. Aussi Jacques parut-il s'éveiller d'un songe lorsqu'on l'avertit qu'il devait, sous 2 jours, quitter le château pour regagner la France avec son corps. 2 mois de convalescence avaient passé comme 1 heure. Albine reconduisit le jeune officier jusqu'au perron. Là, il prit congé d'elle en lui baisant la main et en l'appelant sa sœur. Albine lui souhaita toutes sortes de prospérité en l'appelant son frère. Puis, tant qu'elle put le voir, elle le suivit des yeux en lui faisant des signes avec son mouchoir. 15 jours après le départ de Jacques, Albine reçut une lettre de son mari. La retraite des Français permettait à Maximilien de rentrer dans son château. Il écrivait donc, on l'attendit d'un moment à l'autre. Comme on ne pouvait pas arriver jusqu'au château en voiture, Albine envoya Tobias, qui momentanément et après le départ de Daniel avait rempli ses fonctions au château, attendre avec 2 chevaux Maximilien à Francfort. Maximilien reconnut là une des attentions habituelles d'Albine, mais c'était un de ces orgueilleux esprits qui pensent toujours qu'on ne fait pour eux que ce qu'on doit faire. Il monta sur un des 2 chevaux, tandis que Tobias montait sur l'autre. Le reste de sa suite devait regagner le château comme il pourrait. La conversation devait naturellement tomber sur le séjour des Français dans les environs. Aussi, à peine le comte et Tobias furent-ils en route, que le comte fit signe à Tobias, qui se tenait respectueusement en arrière, de prendre place à ses côtés et de marcher du même pas que lui. Tobias obéit. « Eh bien, demanda Maximilien, les Français, à ce que du moins m'a écrit la comtesse, ont donc respecté le château ?»« Oui, monsieur le comte, répondit Tobias, mais grâce à la protection du capitaine Jacques, car je crois que, sans lui, les choses se seraient mal passées. « Qu'est-ce que ce capitaine Jacques ?» reprit Maximilien. « La comtesse m'en a parlé dans une de ses lettres. Il avait donc été blessé ?»« Oui, monseigneur. Hans l'a trouvé mourant à 500 pas du château et l'a fait transporter à Epstein. Pendant toute une nuit, il est resté entre la vie et la mort. Mais monsieur l'abbé l'a si habilement traité et madame la comtesse l'a soigné si assidûment qu'au bout d'un mois, il était parfaitement guéri. » Et alors il a quitté le château ? Demanda Maximilien, qui avait froncé imperceptiblement le sourcil à la mention des soins que la comtesse avait donnés aux blessés. Non, il est resté un mois encore. Un mois encore ? Et que faisait-il ? Rien, monseigneur. Il restait presque toujours dans l'appartement de madame, et lorsque parfois il sortait, c'était le soir, et pour faire un tour dans le parc. On eût dit qu'il craignait d'être vu. Les lèvres de Maximilien blêmirent, mais sans que la moindre altération se fît sentir dans sa voix. « Depuis quand est-il parti ? » demanda-t-il. « Depuis 8 ou 10 jours seulement. »« Et quel homme était-ce ? » demanda le comte. « Jeune ou vieux ? Beau ou laid ? Triste ou gai ?» « Mais, monseigneur, c'était un jeune homme de 26 à 28 ans à peu près, blond, pâle et grêle, qui paraissait toujours fort triste. » « En effet, dit le comte en se mordant les lèvres, mais en continuant l'entretien presque malgré lui et avec la persistance que met le cœur à connaître les choses qui doivent le briser. En effet, il devait s'ennuyer beaucoup au château. « Non, monseigneur. » Il avait l'air triste, mais point ennuyé. « Oui, continua Maximilien, ses compagnons le venaient voir et c'était une distraction pour lui. Oh, quant à la distraction, il ne la cherchait pas, car 2 fois seulement pendant tout le temps qu'il est resté au château, son fourrier est venu à Epstein. Encore était-ce, non point parce qu'il l'avait mandé, mais pour lui apporter les ordres de son colonel. » « Alors, je comprends, il chassait. Il n'a pas tenu un fusil, ni monté une seule fois à cheval, et Jonathas m'a dit encore hier que, pendant ces 2 mois, il ne l'avait pas aperçu. « Mais que faisait-il donc, alors ? » reprit le comte en cherchant à se contenir, car malgré lui, il sentait que sa voix s'altérait. « Ce qu'il faisait ? Oh, ce n'est pas long à raconter. » Le matin, il jouait comme un enfant avec Monseigneur Albert, qui l'avait pris en affection, et qui, dès qu'il était levé, entrait dans sa chambre, ou bien il causait comme un vieillard avec Monsieur l'abbé, qui s'étonnait de sa science. Après le déjeuner, il faisait de la musique, accompagnait, en chantant lui-même, Madame au clavecin. Et alors, c'était nos heures de récréation à nous autres, car nous écoutions aux portes du salon leur voix qui semblait celle de 2 anges. Puis, le concert terminé, on faisait presque toujours une lecture à haute voix, et le soir, comme je l'ai dit à Monseigneur, mais rarement, quelques promenades au jardin. « Voilà un étrange officier, dit le comte avec amertume, qui joue avec les enfants, qui philosophe avec les vieillards, qui chante avec les femmes, qui lit tout haut et qui se promène tout seul. « Tout seul ? Non, reprit Tobias. Madame l'accompagnait toujours. « Toujours ? Reprit le comte. « Ou du moins presque toujours, continua Tobias. « Et voilà tout ce que tu sais sur cet officier ? Rien de sa naissance ? Rien de sa famille ? Est-il noble ou plébéien ? Riche ou pauvre ? Réponds. « Quant à tout cela, je n'en sais rien, monseigneur, mais madame la comtesse pourra, sans aucun doute, donner à votre excellence les renseignements que vous demandez. « Et d'où vous vient, s'il vous plaît, cette idée, maître Tobias ?» dit Maximilien en jetant un regard de côté sur l'indiscret narrateur, afin de s'assurer dans quelle intention il avait fait cette réponse. « Mais cette croyance me vient, monseigneur, » répondit Tobias avec cette bohémie affectée que donne aux domestiques la haine qu'ils portent presque toujours à leur maître, de ce que je crois que Madame la Comtesse et ce jeune officier se connaissaient depuis longtemps. Et à quel signe avez-vous pu juger, monsieur le physionomiste ? Reprit Maximilien avec un ton railleur dont Tobias ne pouvait comprendre la portée. Que ce jeune officier et la comtesse s'étaient déjà vus avant l'événement qui les a rapprochés. Parce que la comtesse appelait Jacques cet officier et qu'il appelait madame la comtesse Albine. Maximilien, par un mouvement machinal, leva le fouet qu'il tenait à la main avec l'intention d'en couper la figure à l'habile observateur qui marchait à ses côtés. Mais presque aussitôt, contenant sa colère, « C'est bien, » dit-il en frappant son cheval au lieu de frapper Tobias. « C'est bien, voilà tout ce que je voulais savoir pour le moment, et tu as raison, Tobias, la comtesse me dira le reste. » Le cheval fit un bond en avant, et Tobias se retrouva en arrière. Puis, comme son maître ne lui fit plus aucun signe et cessa dès ce moment de lui adresser la parole, il le suivit en se tenant respectueusement à distance. Le visage de Maximilien restait calme, mais d'affreux soupçons dévoraient son cœur, ce cœur si insensible à l'amour, si prompt à la colère et à l'accusation. Cependant, la certitude manquait et, tout en pressant son cheval, il se disait tout bas. Une preuve de son déshonneur, une preuve qui me permette d'écraser la coupable. Et cette preuve, il la désirait presque. En arrivant au bout de l'allée qui conduisait au château, il vit sur le perron Albine qui l'attendait impatiente et joyeuse, et par un mouvement convulsif, il enfonça ses éperons dans le ventre de son cheval. La pauvre femme crut que le comte faisait prendre le galop à sa monture par impatience de la revoir. Au moment où le comte mit pied à terre, Albine lui sauta au cou. « Pardon, mon ami, lui dit-elle, pardon de n'être pas allée à votre rencontre. Je suis souffrante. Mais qu'avez-vous, Maximilien ? Et comme vous paraissez soucieuse et préoccupée, la politique, sans doute. Oh, je vais ramener sur votre front la sérénité et le bonheur. Venez, Maximilien, venez que je vous dise tout bas un grand secret, un doux secret que je me répète à moi-même avec ivresse et qui m'a aidé à supporter votre absence, un secret charmant que je n'ai pas voulu confier à une lettre, car je me faisais une fête de vous l'apprendre de vive voix. Un secret que je n'ai pu vous révéler en vous quittant, car je l'ignorais encore. Écoutez, Maximilien, et chassez cette humeur sombre. Vous vous rappelez cette nuit des adieux, nuit à la fois si douce et si cruelle? Embrassez vite votre femme, et dans 6 mois, Maximilien, vous embrasserez votre enfant.